les jeudis soirs de Radio Duo. Après Ghetto Vibes, la nuit des temps. La nuit des temps, l'international de la danse. New York et Montréal, il y a à peu près 600 km, soit environ 6 heures de route. Et Chroméo et la roue la jouent disco le long de la Nationale 87. Nous sommes en 2023. Et voici Words With You. Chroméo, powerplay de la semaine. When we met, I thought to myself, she must be heaven sent. Oh yeah. But as of late, communication started to deteriorate, and not great. Now I gotta have a word with you. I gotta have a word with you. I heard the rumors percolating round the side, and listen too much. I was in denial. I didn't think that acting shady was your style. You. for an interview, just a word or two. I don't wanna do a Q&A. No fingerprints or DNA. No need for an interview, just a word with you. I don't wanna do a Q&A. No fingerprints or DNA. No need for an interview, just a word with you. Comédie anglaise réalisée en 1972 par Val Quest. Et c'est un nanar atomique. La musique est signée Roger Webb. Ooh, baby, when I feel your touch, I know I cannot get too much. Take me now, for now I know, no matter what, I want you so. I'm in love with you. My baby, I'm in love with you. You got me where you want me. It's where I wanna be. My baby, won't you give your love to me? My baby, I'm in love with you. My baby, I'm in love with you. To get you closer to me is what I wanna do. Ce n'était peut-être pas du grand cinéma, mais ça c'est sûr, ce n'est pas une chanson. Nous sommes à Cork, en Irlande. Nous sommes en 1993. Voici les formidables Frank and the Walters. Sawi est une artiste algérienne qui n'a sorti qu'un seul disque sous son vrai nom, Zora, en 1977. Et à 8 ans, elle quitte son pays natal pour Marseille, fait des études à Paris, puis retourne vivre en Algérie. Mais là-bas, malheureusement, elle reçoit des menaces et elle revient vivre en France. Et elle va vivre un exil pendant plus de 30 ans. Nous sommes à Paris en 1977. Yeah. La nuit des temps, Radio Duo. Daniel Hooper est un remixeur célèbre dans les années 2000. Il est surtout connu pour son travail avec le groupe Soul to Soul. Plus tard, il va remixer des tonnes de sons, dont ceux de Björk, Madonna ou Garbage. Et parmi ses plus beaux éclats, il y a ce travail sur le son de Massive Attack, quelques notes de piano, nous sommes en 2006. Unfinished Love. Il y a le piano, mais aussi cette rythmique vraiment typique des années 2000. Nous sommes à Bristol, c'est à deux pas de Portishead, et tout ce petit monde-là bosse ensemble. Voici Neil Hopper et Massive Attack. I know that I've imagined loving. Romeo est un combo insaisissable situé entre New York et Montréal, entre la dinde Sellartie ou encore entre l'hypercérébrale et la sueur des corps. David McLovich, en duo avec Pete Pug, a un doctorat en littérature française et a même été élu prof le plus sexy de l'Université de Columbia en 2010. Et sur ce point crucial, nous sommes bien tous d'accord. Pay it not mind. Romeo, Eric Wilson, qui va annoncer tout à l'heure à 22h qui ou quoi qui va parler bouquin et Jonathan Little. Like I play for the Raptors. Can't nobody else dunk faster. Who the quickest slap in the Macca? Talking hella shit like a pastor. Tell by my slang, I don't fuck with no packers. Niggas talk tough, but the energy be backwards. IG cool, but in real life an actor. If the app crash, the identity be shattered. Damn, sharpening in the PM, make the best of my own. Spent the last year at home like Kevin Alone. A lot of niggas passed me up, I still went strong. I'm an underrated giant like a car Malone. Keep my head down, stacking this cash up. Flashy rappers crashing, who passes? Fuckin' see the table, I'ma come with a bench. I'm with Pomo, Chrome, and y'all will track in the mix, nigga. Join the movement, because it's going if you grooving or you fooling. Footwork through all the bullshit, and just keep blowing while they hoping that you're ruined. Tell them pay no mind, mind, mind, mind to it. Tell them pay no mind, mind, mind, mind to it. Tell them pay no mind, mind, mind, mind to it. And just keep blowing while they hoping that you're ruined. Reggie Miller, don't miss. Rap a lot of plays, blue collars who hopeless. Not ignoring you, just perfecting my focus. From the land, niggas be shooting who coachless. A fatherless, kinda like Ray Allen and Shuttlesworth. It ain't a high nigga, so they find other work. Comparing me to other niggas and utter curse. I told them it's who did it best, not who did it first. But I ain't even come to compete. Riding dads with my feet, Louis Arm on the beat. Every time I stress, I just zoom to a peak. Notice everything small and it's nothing to see. Slapping Nazis like a pack of new squares. Fascism shouldn't be safe, so who cares? We ain't going nowhere, nigga, to be fair. When next business for anyone not clear. Yeah, come on. Join the movement, because it's going if you grooving or you fooling. Footwork through all the bullshit, and just keep blowing while they hoping that you're ruined. Tell them pay no mind, mind, mind, mind to it. Tell them pay no mind. Way down to the church, see if we can get some food, turkey and stuff. So I got your stuff in the car. I wanted to know the address, see if that guy's there. Give me a call because we'll be down there. It's 9:46 now. We on our way to the church. La nuit des temps, l'international de la danse. Con te è tutto un po' più geniale. crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on. Something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch you take it, take it. En 2014, en Australie, Andy Hart n'était pas bien vieux. Il était même au tout début de son aventure en créant le label Voyage Recordings. Me the same for me, Melbourne aussi, et tout ce son des années 2010. Mais oui, 22h sur Radio Duo et c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Ce soir, garantie 100% sans chansons. La nuit des temps a reçu sur son dance floor en ce début 2024 les fameux conques décongelés sans king ni conque du New York des années 80. Le duo Chroméo en powerplay cette semaine et amateur de poutine, non pas l'autre énervé en Russie, mais celui qui se déguste avec des frites et du fromage à Montréal. Bien plus recommandable. Et Roger Webb, notre ami Roger Webb, et ses douces musiques qui ont accompagné tant de séries Z et de films érotiques dans les années 70. On a également croisé sur le dance floor The Frank and Walters qui ont tellement égayé la mi-temps des années 90 avec ce génial This is not a song. Et on confirme bien, ce n'était vraiment pas une chanson. L'incroyable Zora, dont le cœur était partagé entre l'Algérie et la France. On a croisé également le producteur Nelly Hooper qui a su redonner des couleurs à la gentille déprime des Massive Attack. Alessio Peck, ben parce que c'est l'Italie quoi. Britney Spears et Madonna pour bien débuter 2024, rien de tel qu'une double dose de diva old school. Et ce qu'on écoute en ce moment, c'est Andy Hart depuis l'Australie. Quelques petits bonus après, à voir, ça dépend, parce que dans quelques instants, eh bien, arrivent les formidables, peut-être la voix pour une fois, qui va dire le nom de son émission, ça va changer. Alors, qu'est-ce qui se passe là tout de suite ? Je ne vais pas non plus trop spoiler, justement. Mais juste le titre de l'émission, quand même. Ah, qui ou quoi ? Qui ou quoi, voilà, les formidables qui ou quoi. Autant vous dire que Steven Spielberg, Francis Ford Coppola tremblent tellement c'est une méga-production. Ils sont à peu près 50 dans le studio pour parler littérature. Ça va être génial. Restez bien sur les ondes de Radio Duo. C'est l'heure de lever le nez vers le ciel, de Saint-Étienne, de contempler les étoiles. Et c'est sûr, il y en aura au moins une pour vous. Buona notte. Salut.